tu viens de le préciser. Il faut justement. Ouais, c'est peut-être lourd. Non, mais là, si vous ne voulez pas intellectualiser le débat, écoutez, nous avons d'autres choses à faire. Nous avons un gala qui est prévu dans quelques minutes maintenant. Nous sommes déjà bien en retard. Eh ben, alors allez à votre gala. Allez à votre gala. Un petit point sur la science, ça ne ferait pas de mal. Allez à votre gala. Au revoir, les frères. Nous parlions donc du système solaire. Au revoir. Qu'est-ce qu'un trou noir? Au revoir. Un trou noir, effectivement, comme tu l'as très bien précisé, Nigor, oui. C'est que lors du solstice d'été, ce trou noir va devenir infiniment petit. Absolument. On leur dit au revoir, ça devient trop lourd, on leur dit au revoir, un autre trou noir qui rend la chose impossible. Absolument. L'antimatière, c'est un peu ce qui compose cette Essaye de voir sur quelle ligne ils sont, là, on leur dit au revoir. Moi, j'ai pas touché au standard. Mais tu vois sur quelle ligne, là. Vengeance. Et qui ne supporte plus aucune matière en plus. Bon, tu m'autorises, Gérard, tu m'autorises à regarder. Allez, gère ça, là. Allez, fils d'art. Allez, yeah, man. Ouais, beau gosse. La classe. Ah, tu pourras me dire merci, oh. Ça y est, c'est Gérard. Tu cartonnes. Yo. C'est fini, les dossiers de l'écran, là. Ah. Alors, qui c'est qui nous... Et ton micro, c'est pour les chiens. Ouais. Pardon. Qui c'est qui nous reste, alors Gland 2000 et Albator. Bah, bien sûr. Oui, toujours là. Ouais, mais il nous reste plus que deux personnes pour savoir, tu remets les jumeaux, moi. Non, tu l'as... C'est bon, on leur a dit au revoir, parce que là... Bonne nuit. On peut essayer de revoir du monde ou pas? Eh bien, oui, je vais essayer, bien sûr. En attendant, Gérard, sur l'IRC, il y a Paranoïde qui te demande si des milléniums, si ça se mange ou si ça se boit. Non. Ça se mange pas, ça se boit pas et ça se fume pas. Comme c'est masculin ou féminin? C'est une femme ou un homme? Je sais pas. Millennium. Non, on dit un monsieur millénium. Donc c'est monsieur millénium. Un millénium. Et on dit un millénaire. Et une artère. Oui, très bien. Très bien, l'orthographe. Bah tiens, justement, Gland 2000. Café l'eau, là, laisse tomber. Gland 2000. Oui, Gérard. Bah justement, pourquoi que le millénium est-il fêté qu'en France et pourquoi pas ailleurs? Ah, mais Gérard, je pense que tu as la télé là où tu habites. Et si tu avais vu la télé, tu verrais que sur toute la Terre, on prépare le millénium avec impatience. Ouais, non, mais la question, c'est pourquoi que en France, mais pas ailleurs, c'est-à-dire pourquoi ailleurs. Que... À Bourges ou à Poitiers? Non, mais attends, Bourges et Poitiers, c'est où? Bah, c'est en France. Bon, bah alors, je te parle d'autres pays. Ah non, mais je te dis, Gérard, aux États-Unis, prépare... Attends, 5 minutes, 5 minutes, oui. Gérard, Booba vient de nous rejoindre. Oh, c'est Mimi, Booba. Booba, bonsoir. Petit ourson. Oh bonsoir, c'est Booba, vous allez bien? Salut, oh merde, ah, ça te va bien. Bonsoir. Ah, tu m'étonnes. Mais c'est... on n'a pas d'autres personnes, là? Quasiment. On n'a que 3 personnes pour finir le débat? Ouais, bah oui. Bah ouais, bah ouais. C'est pas grave, vas-y. Très bien. Bon, ben, je pense qu'on va arrêter. Je pense qu'on va arrêter à la 13e après. Ok. Je pense qu'on. Il y a quand même une petite question. Tu penses trop, Gérard. Ouais, c'est clair. Alors, attends, une petite question de Kérosène, quand même. Qui voulait savoir pour le nouvel an si tu préférais fourrer la dinde, bouffer le foie ou lécher les moules. Oh putain, les trois. Non, là, je réponds pas sur des questions dégueulasses. Alors là, ça va plus vite. Ouais, ça parle de bouffe. Ce qui est bien, c'est les bonnes grosses bûches dans le... Vous voyez qui? Qu'est-ce qui vient de dire ça? Je sais pas. C'était pas Winnie l'ourson? Boomba. Oui. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? J'ai rien dit du tout, moi. Ouais, si, je pense que tu m'as dit des grosses bonnes bûches. Des grosses bonnes bûches, bah, tout c'est à bon fait. La bûche. Oui, et eh ben, bon alors, bûche, eh ben, Boomba. Bah Boomba. Et Boomba, Boomba. Oui. Boomba. Boomba, oui. Boomba. Et ben. Bimbo, bimbo. Ouais, ben dans Boomba, il y a de la joie. Ben, tu vas aller voir Oasis. Ah, putain, au revoir. Du mal, la vanne. Quand même. Oh, l'état de la vanne. Au revoir. On dit au revoir à Boomba. Super. Et on garde. Ben, il nous reste Albator. Alors, Albator.